France Culture avec Philosophie Géraldine Mühlmann. Cette semaine, nous réfléchissons à l'âge. Certaines scansions dans nos vies sont assez évidentes, l'enfance, la vieillesse, mais il y en a peut-être d'autres, plus intérieures, moins souvent évoquées. Quatrième épisode, existe-t-il un âge de l'innocence ? Cet âge de l'innocence qui un jour s'arrête, au contact de certains obstacles de la vie, ne dépend peut-être pas du nombre d'années vécues. Il ne se compte pas, il résiste parfois longtemps en nous. Il cède quelquefois très tôt. L'innocence, c'est une histoire particulièrement américaine. C'est d'ailleurs une écrivaine américaine, Edith Wharton, qui a écrit en 1920 un roman intitulé « The Age of Innocence ». Peut-être parce qu'il y a au cœur du romantisme américain un enthousiasme singulier, l'idée que l'individu peut franchir toutes les montagnes et que même la vie des sentiments a la clarté d'un ciel bleu, qu'elle est maîtrisée par le mariage en particulier. Ce romantisme américain est marqué par la figure du philosophe Emerson. Littérature et cinéma aux États-Unis aiment pourtant montrer comment l'innocence peut se fracasser. À cause du désir, à cause du fantasme, de la confusion des sentiments, dirait Stefan Zweig, à cause des contradictions intérieures et de la société qui attend, elle, qu'on les éteigne au plus vite. Bienvenue à tous donc dans une émission sur l'âge de l'innocence où nous parlerons d'Emerson, d'Edith Wharton, mais aussi du film Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Bonjour Anne Ulmo. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature américaine à l'Université de Tours et spécialiste notamment de l'œuvre d'Edith Wharton. Bonjour Mathieu Duplay. Bonjour. Vous êtes vous aussi professeur de littérature américaine à l'Université Paris-Cité et vous connaissez très bien la philosophie de Ralph Waldo Emerson. Bonjour Axel Cadieux. Bonjour. Vous êtes écrivain et journaliste cinéma à SoFilm et vous êtes l'auteur en 2019 aux éditions Capricci d'un livre intitulé « Le dernier rêve de Stanley Kubrick, enquête sur Eyes Wide Shut ». Commençons par l'âge de l'innocence d'Edith Wharton que Martin Scorsese a adapté au cinéma en 1993. Dans un salon new-yorkais, il était contraire à l'étiquette qu'une dame quitta la compagnie d'un homme pour aller en retrouver un autre. Mais la comtesse n'observa pas cette règle. I want you to talk to me about May. Je veux que vous me parliez de May. Vous connaissiez le duc auparavant ? Oui, à Nice. Nous avions l'habitude de le voir tous les hivers. C'est un joueur invétéré, il venait à la maison très souvent. Il adore mettre le même costume tous les soirs, il croit que ça lui porte bonheur. C'est l'homme le plus ennuyeux que je connaisse. Mais il semble qu'on l'admire beaucoup ici. Puis-je vous dire que ce qui m'intéresse au premier chef à New York, ce n'est pas cette obéissance aveugle aux traditions et même aux traditions des autres. Il serait stupide d'avoir découvert l'Amérique pour en faire une réplique d'un autre pays. Croyez-vous que Christophe Colomb se serait donné tout ce mal uniquement pour aller à l'opéra avec Larry Leffert? À mon avis, s'il avait pu imaginer que Leffert fût ici, il est probable que son avis n'aurait jamais à Paris. And May, does she share these views? Oh, if she does, she'd never say so. Et May, est-ce qu'elle partage vos idées? Si c'est le cas, elle se garde bien de le dire. Êtes-vous vraiment très amoureux d'elle? Aussi amoureux qu'il est possible. Croyez-vous qu'il y ait une limite? S'il y en a une, je ne l'ai pas trouvée. Oh, c'est bien. C'est une véritable histoire d'amour, alors. C'est bon. It's really and truly a romance, then. France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Vous venez d'entendre un extrait du Temps de l'innocence de Martin Scorsese, adapté du roman d'Edith Wharton, avec Michelle Pfeiffer dans le rôle de la comtesse Hélène Olenska et Daniel Day-Lewis dans le rôle de Newland Archer, qui s'apprête donc, on l'entend, à épouser May Welland. En En anglais, on dit « The Age of Innocence », l'âge de l'innocence en français. Aussi bien le roman de Wharton que le film de Martin Scorsese sont traduits par « Le temps de l'innocence ». Mais ce matin, nous nous gardons le titre originel parce que nous nous demandons précisément si on ne touche pas là à un âge intérieur qui peut parfois se terminer plus ou moins abruptement. Que se passe-t-il à Nulmo dans ce salon new-yorkais? On entend donc Newlon Archer qui s'apprête à épouser May, s'entretenir avec cette comtesse. Tout a l'air pour le mieux, sauf que non. Quel est le problème? Alors le problème, c'est que Hélène Olinska est une véritable tentatrice et qu'elle va faire irruption dans ce trop lisse des conventions sociales new-yorkaises, du vieux New York, il faut le préciser. Donc un univers aristocratique extrêmement fermé, extrêmement clos avec ses codes, son étiquette. Et le problème, c'est que Newlon Archer est fiancé ou va se fiancer avec May Welland et les deux... Je dirais que les deux patronymes, finalement, indiquent, c'est la force du signifiant, et indiquent qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Hein. Quoi? Oui, enfin, c'est pas son patronyme. Newland et Welland, enfin, on entend qu'on parle de l'Amérique, là, comme... Et new et well, c'est-à-dire qu'il est ancienne et bonne. Et bonne, voilà, on est dans une forme d'innocence, justement. Et puis Archer, voilà, c'est l'archer aussi. Et il se trouve que May Welland est souvent représentée en Diane Chasseresse, qui donc elle-même gagne les compétitions, les tournois de tir à l'arc. Donc représentée parce que ce personnage est une championne de tir à l'arc. Ouais. Et si j'ai bien compris. Il l'admire beaucoup pour cela. Elle est magnifique. C'est en tout cas ce que Newland dit très clairement. Et bien entendu, je vous propose de lire un extrait où il est en quelque sorte d'entendre un extrait où on sent cette admiration pour le talent de May. Mais simplement juste avant, May n'est pas complètement naïve et idiote, on est d'accord. C'est quelqu'un qui a bien compris qu'il y avait, en quelque sorte, des fantasmes, un passé, et elle sent très bien qu'il est en train de tomber amoureux de cette comtesse qui vient de l'étranger, qui elle-même va divorcer, et ce qui est un scandale dans la société de l'époque. Parlez-moi un peu de May. Non, mais précisément, c'est véritablement un roman très psychologique et qui observe, qui nous permet de suivre l'évolution des personnages sur un plan psychologique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire dès le départ que May Welland est une héroïne candide, est une héroïne avec de l'expérience et une lucidité. On le découvre. On le découvre au fur et à mesure, à l'occasion d'une scène qui va être lue, je pense, hein, dans des jardins de Saint-Augustin, je crois, où il y a une espèce de switch tout d'un coup. Enfin, il y a une sorte de changement du personnage par le biais de la description du regard, hein, le regard qui passe de la candeur absolue, c'est-à-dire la limpidité, la clarté, enfin, une espèce de presque de cliché de l'héroïne. Racontez-nous cette scène. Ah, vous voulez que je vous raconte cette scène? Oui, je voilà. Newlon Archer, qui est déjà tombé amoureux d'Hélène Olinska, a l'intention d'accélérer et d'avancer le mariage, parce qu'il sent qu'il y a péril en la demeure. Et il se précipite là où May Welland et sa famille sont en villégiature, hein, pour un temps, et on est dans ces sortes de jardins de l'Alhambra, enfin... Et avec une très très belle... D'ailleurs, Scorsese en fait une scène très très belle. Je ne sais pas si vous l'avez en tête. Elle est avec, justement, toute une statuaire antique qui connote cette pureté, cette chasteté aussi. Et Diane Chasseresse est dans la scène derrière. Voilà, c'est pour ça que c'est derrière. Du cinéma et que c'est un peu difficile à rendre uniquement sur le plan sonore. Et je voulais vous racontiez tout ce qu'il y a dans la séquence. Et en fait, elle lui dit, mais pourquoi vous voulez avancer ce mariage? Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle lui dit, mais non, au contraire, tout va très bien. Et c'est bien pourquoi je désire avancer le mariage. Et on sent là qu'il commence à être un petit peu déconnecté. Qu'est-ce que vous pensez, Mathieu Duplay, de May qui apparaît comme une femme très innocente, très naïve, Diane Chasseresse, la pureté, la virginité aussi, et qui en définitive... est déjà pleine d'expérience, on le sent, en tout cas ça va aller très vite. Hein. Je pense que on est là devant un exemple tout à fait caractéristique d'un art des faux-semblants, en fait, qui est un art que Edith Wharton manie de manière admirable. Mmh. Et effectivement, avec un parcours, disons, un parcours du personnage qui en fait, a elle-même une maturité et une histoire et un potentiel qu'on ne soupçonne pas du tout au début. Également, je pense que c'est important en termes de parcours de lecture et parcours pour le spectateur, c'est-à-dire qu'en fait nous sommes amenés aussi à peut-être en lisant le roman et certainement en regardant le film à partager au début peut-être quelques-unes des illusions de Newland Archer qui se dit que cette jeune femme est naïve et ne comprend rien et en fait on se rend compte que c'est tout sauf une oie blanche même oui. si elle est habillée de blanc. Mais ce blanc n'est pas la couleur de la naïveté, qui n'est pas la même chose que l'innocence bien sûr. Et alors, en même temps, cette étrangère qui vient de Russie, qui est capable de divorcer en scandalisant tout New York, qui est comtesse, donc c'est un peu un monde d'avant, n'est-ce pas, par rapport à l'Amérique, Olenska, cette femme est aussi un peu dans une innocence du désir. Elle sait que ça marche pas comme la société new-yorkaise le veut. Elle sait qu'il y a du désir, elle sait qu'il y a du fantasme. Vous ne pensez pas, Mathieu Dupuis, qu'il y a chez elle aussi quelque chose d'innocent? Oui, absolument. Pour moi, May est un personnage qui est à la fois quelqu'un qui connaît cette société de l'intérieur et qui la regarde de l'extérieur. C'est-à-dire qu'elle vient, vous dites effectivement très justement, elle vient de Russie. Elle a ce nom, ce patronyme et ce titre de noblesse. Enfin, les oui. deux indiquent qu'elle n'est pas américaine parce que la noblesse, évidemment, n'existe pas dans une société qui s'est fondée sur mais elle est américaine, républicain. Mais elle est américaine. C'est-à-dire que c'est une fausse étrangère. Mais qui est en même temps une vraie outsider d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'elle a suffisamment de recul peut-être pour regarder les choses à la fois du dedans et du dehors. Et je pense que c'est ça l'ambiguïté. Et en fait, c'est un peu l'explosion de cette tension oui. qui va faire le roman et le film. Axel Cadieux, vous aimez ce film ? Parce que vous êtes un spécialiste du cinéma, donc c'est de Scorsese que je vous parle. Mais peut-être que vous aimez d'ailleurs au départ le roman de Wharton. Non, je connais d'abord le film et je suis en train de lire le roman. Donc déjà, merci pour cette opportunité. Je suis en train de le terminer. C'est pas mon Scorsese préféré, mais par contre, j'aime bien le film, mais c'est pas mon Scorsese préféré. En revanche, je trouve le livre vraiment formidable. Et c'est assez amusant, cette histoire d'Arc et d'Archer, parce que dans Eyes Wide Shut, pardon, je fais un peu des ponts, mais dans Eyes Wide Shut... Merci, on en fera plein ici, oui. Dans Eyes Wide Shut, le personnage d'Alice Harford, donc joué par Nicole Kidman, qui est une sorte de May Welland, quelque part, dans une scène coupée du film, qui est invisible, fait de l'équitation. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, là aussi, de l'originel. La beauté sportive, a priori une forme d'innocence, et chez Alice de Eyes Wide Shut de Kubrick, c'est pas si simple non plus, c'est complexe aussi chez Wharton. Alors je vous propose de lire un extrait où, sous la pureté et l'innocence de May, ce que, en tout cas, voit Archer, c'est la société artificielle, factice, exigeante, peut-être un peu pourrie, mais ça, je vais peut-être un peu trop loin. Quelque chose qui justement, est déjà en train d'entamer cette innocence. Écoutez cet extrait. Newland était sincèrement mais paisiblement épris. Il se délectait dans la beauté radieuse de sa fiancée, sa santé exubérante, son adresse au tennis et à cheval. Sous sa direction, elle s'était même essayée à la lecture, et déjà elle était assez avancée pour se moquer avec lui de la fade sentimentalité des idylles de Tennyson, mais non pour goûter la beauté d'Ulysse et des lotophages. Elle était droite, fidèle et vaillante, et Archer s'imaginait même qu'elle possédait le sens de l'ironie, puisqu'elle ne manquait jamais de rire à ses plaisanteries. Enfin, il croyait deviner, dans cette nature innocente et fraîche, une ardeur qu'il avait la joie d'éveiller. Néanmoins, ayant fait pour la centième fois le tour de cette âme succincte, il revint découragé à la pensée que cette pureté factice, si adroitement fabriquée par la conspiration des mères, des tantes, des grands-mères, jusqu'aux lointaines aïeules puritaines, n'exista que pour satisfaire ses goûts personnels, pour qu'il pût exercer sur elle son droit de seigneur et la briser comme une image de neige. Cette idée lui oppressait le cœur. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Dans ce grand mariage qui s'annonce pour Archer, même si May est magnifique, il détecte, dit le texte, une pureté factice si adroitement fabriquée par la conspiration des mères, des tantes, des grands-mères jusqu'aux lointaines aïeules puritaines. Au fond, c'est la société qui met le ver dans le fruit, n'est-ce pas, annulement? Oui, c'est la société, c'est cette petite société, ce microcosme en fait. On est quand même dans une sorte de cosmogonie très whartonienne qu'elle va reproduire de roman new-yorkais en roman new-yorkais. Et puis, on est dans les intrigues, finalement, dans, comme disait Mathieu Duplay, il est question d'illusions, de faux-semblants. Et c'est de ça qu'il s'agit, d'un travail sur la surface et la profondeur aussi. Pardon, oui. Et justement, ce qui met, je dirais, une chose en plus, c'est pas juste une dénonciation sociale, c'est que tout ça, c'est dans leur cœur à tous. Et lui-même dit dans cette phrase, Archer, enfin en tout cas c'est Wharton qui le lui fait penser, que cette société veut faire de lui un certain mari, un certain homme, et qu'il n'a qu'une envie, c'est de sortir de cette chose qui l'oppresse. Et on lui demande un mari qui serait dans le droit du Seigneur, qui serait dans la domination, et il n'y arrive pas, et il n'en peut plus de ce rôle qu'on veut lui faire jouer. Oui, je dirais qu'il y a une métaphore filée aussi de Pygmalion. Enfin, il sait très bien qu'on lui demande de jouer ce rôle de façonner la jeune fille et l'image de neige, la jeune fille. Oui, c'est vraiment ça. Alors vous aussi, vous pensez que l'innocence est en quelque sorte distribuée sur plusieurs personnages, c'est-à-dire que cette Olenska, elle a sa part d'innocence, May aussi. Aucune n'est intégralement une image de neige. Peut-être celui qui l'est le plus, c'est finalement Archer lui-même, qui cherche quelque chose comme une pureté sentimentale, en accord avec la société, une belle vie, une bonne vie. Ça marche pas. Il veut tout et son compte. Enfin, il veut tout, c'est-à-dire qu'il veut son désir et il veut aussi le reste. Enfin, les conventions. C'est-à-dire qu'il ne supporte pas. Je ne sais pas si on va spoiler, mais... Non, vous inquiétez pas, c'est un extrait après. Non, à un moment, il faut dire les choses. il ne supporte pas ce rejet qu'on va lui faire subir à un moment donné, mais enfin, c'est moins lui qui sera rejeté que finalement Hélène Olenska, qui va être, oui, bien sûr, le bouc émissaire, puisque comme tu le disais, elle est à la fois étrangère, mais elle est aussi insider, c'est-à-dire qu'elle fait aussi partie de cette société, donc bouc émissaire idéal. Alors justement, à Olenska, on a une scène du film de Martin Scorsese où on voit que torturé, eh bien Archer fait ce qui arrive souvent dans ces cas-là, il accuse sa maîtresse. Alors, elle est peut-être pas encore sa maîtresse, elle va le devenir au fond, je me demande si tout ça est très important. Ça se passe dans la tête, c'est ça qui compte, c'est les fantasmes qui ont déjà brisé. Mais peut-être que vous n'êtes pas d'accord, on va non, en reparler. Il ne consomme pas. Il ne consomme pas. Bon, bah écoutez, est-ce que c'est important ou pas? Le mal est fait, en quelque sorte. En tout cas, il l'accuse, elle, de cette situation, il lui demande de partir en Europe, et en vérité, il va souffrir terriblement de son départ en Europe. Toute cette complication est présente dans la scène que voici. You knew. I recognized the carriage when you drove in. Vous saviez. J'avais reconnu la voiture quand vous êtes arrivé. Alors je suis allée à la plage. To get as far away from me as you could. As I could, yes. Pour vous éloigner de moi le plus possible. Le plus possible, oui. Vous voyez, c'est inutile. Mieux vaut nous retrouver face à face. Je veux être tout à fait sincère avec vous. Sincère? N'est-ce pas pour cela que vous admirez Julius Beaufort? Il est plus sincère que nous tous, n'est-ce pas? Nous sommes sans caractère, sans couleur, sans variété. I don't know why you don't just go back to Europe. Je ne comprends pas que vous ne retourniez pas en Europe. I believe that's because of you. Je pense que c'est à cause de vous. De moi? Je suis l'homme qui a épousé une femme parce qu'une autre lui en a donné l'ordre. You promised not to say such things today. Vous aviez promis d'éviter ce sujet aujourd'hui. I can't keep that promise. What about May? Je ne peux pas tenir ma promesse. Pensez-vous à May? À ce que May peut ressentir? Si vous voulez faire de mon mariage une victoire pour nous, alors il n'y a pas la moindre raison que vous ne repartiez pas. Vous m'avez fait entrevoir le goût de la vraie vie. Puis vous m'avez demandé d'en continuer une fausse. No one can endure that. Nul ne peut endurer cela. I'm enduring it. Moi, je l'endure. What's the use? I know you'll go back. I won't. À quoi bon? Je sais que vous repartirez. Non. Pas encore. Aussi longtemps que nous pourrons tenir, je resterai. Ce n'est pas une vie pour vous. Si, tant qu'elle fait partie de la vôtre. As long as it's part of yours. Mathieu Duplay, est-ce que c'est la souffrance qui transforme ainsi Archer en un odieux jaloux qui accuse l'autre de tout le tourment qu'il subit, qui veut tout contrôler, il veut la contrôler elle, tant elle lui fait du mal, cette femme, tant il la désire? Oui, pour moi, il y a quelque chose dans cette histoire qui s'apparente à un espèce de drame de l'émancipation manquée, en fait. Je pense qu'on est devant un récit qui parle de personnages qui sont dans une soif de liberté très grande. Et en même temps, c'est pour moi, le roman de Wharton est un roman qui pose en tout cas la question de l'échec du projet américain en tant que c'est un projet émancipateur. Et on a entendu tout à l'heure dans cet autre extrait que vous donniez, une réplique où quelqu'un, je crois que c'est Hélène, qui dit « Pensez-vous que Christophe Colomb aurait appareillé s'il avait su que tout ça allait se terminer par une soirée à l'opéra avec les Van der Luyden, avec l'aristocratie new-yorkaise ?» Et l'autre personnage répond « Ah ben non, certainement pas. » Et l'opéra conçu évidemment comme un théâtre des conventions sociales et non pas comme un lieu d'expression artistique, hein, en l'occurrence. Et je pense que c'est un des drames de ce roman, c'est-à-dire que cette idée que l'Amérique s'est construite autour d'un projet de liberté et que finalement elle a réussi à reconstruire d'une autre façon, mais d'une façon peut-être encore plus étouffante, une forme de carcan. La prison des sociétés européennes conventionnelles. Voilà, mais peut-être en pire, en fait, parce que c'est aussi un roman qui est hanté par le souvenir de l'Europe, que Wharton connaissait très bien, puisqu'elle y a beaucoup vécu, et l'Europe finit paradoxalement par apparaître comme une sorte d'échappatoire. Et c'est d'ailleurs à Paris, à la fin du roman, que les deux personnages se retrouvent. Bon, vous savez qu'on dit souvent que la littérature américaine a pour sujet unique et énorme l'Amérique, tout le temps. Est-ce que c'est le cas ici à Nulmo? Il y a toujours évidemment cette nostalgie. Faut pas oublier que c'est un roman de la nostalgie pour Edith Wharton, qui habite déjà à Paris depuis pas mal d'années. C'est un retour à une sorte de... C'est un retour aux années 1870, en fait, c'est-à-dire... pas tout à fait sa génération non plus. Elle est née en 1862. Bon, elle est petite. Donc, c'est plutôt la génération de ses parents. Mmh. Et je pense qu'il y a une forme de nostalgie ironique, bien évidemment. C'est une satire. Pour cette espèce d'univers qui aurait été protégé du Gilded Age. Hein. C'est-à-dire la culpabilité. Culpabilité. C'est quoi la culpabilité des âges? Ce serait la culpabilité véritablement de la fabrication des fortunes. Ce mouvement, cette espèce de tournant industriel et des affaires qui va finalement... Parce que tous ces gens font du business, on a oublié de le dire, et ça compte dans le roman de Wharton. Par ailleurs, pourriez-vous nous éclairer sur le titre? Comment Wharton a-t-elle trouvé ce titre, L'âge de l'innocence? Alors, The Age of Innocence, c'est d'abord le titre d'un tableau de Reynolds, qui représente une petite fille assise avec une petite chemisette blanche, et qui est devenue d'ailleurs le symbole de la peinture enfantine, enfin je dirais. Et il y a aussi dans Le Temps de l'innocence, on peut le voir comme une réponse, une sorte d'hommage à Henry James, qui était quand même son ami et un peu son mentor. Plus ou moins son mentor, hein, pas autant que... Henry James, qui a écrit Portrait of a Lady, dont le personnage principal s'appelle... Isabel Archer. Voilà. Okay, quelque chose. Est-ce que vous diriez que chez Henry James, comme chez Wharton, malgré leurs différences, il y a cette envie d'aller piquer là où l'Amérique ne veut pas être piquée, c'est-à-dire dans sa foi même, dans son enthousiasme, dans son désir de nouveau, dans cette façon de dire aux individus que tout est possible. C'est justement là qu'ils vont piquer en disant que ça marche pas comme ça. Mmh. Il y a presque... C'est pour ça que je pense au film tout d'un coup. Eyes Wide Shut. Ouais. Ah oui, et ça me fait plaisir parce que c'est le but de cette émission, c'est pas gagné. De dire que jusqu'à Eyes Wide Shut, on est sur le même problème, c'est le même sujet. À quoi pensiez-vous? Mais plutôt James, plutôt Portrait de femme. Oui. Hein, avec ce désir de salir la candeur, de salir l'innocence précisément. pour faire advenir quelque chose. Mais enfin, Osmond n'a pas une intention particulièrement charitable hein, dans le cas de Isabelle Archer. Donc voilà, une espèce l'Europe comme perverse, l'Amérique candide, innocente. Cette antithèse, Edith Wharton l'a aussi prise chez James. D'accord. Alors justement, Axel Cadieux, on va venir bien sûr à Eyes Wide Shut, mais vous la sentez bien cette ligne que nous sommes en train de dessiner, qui va de Emerson dont nous allons parler, c'est-à-dire d'un philosophe de l'enthousiasme, du romantisme américain, qui passe par des auteurs américains qui entament toute cette innocence et qui va arriver jusqu'à Stanley Kubrick et où Eyes Wide Shut, en tout cas, isolons ce film. Porte un coup à l'innocence américaine. Oui, bah, je sens très bien la lignée, d'autant plus qu'il vient de me frapper que Bill Harford, qui est le nom donc, du personnage de Tom Cruise, ressemble quand même beaucoup à Archer. Donc, Harford Archer, dans la sonorité, il y a quelque chose déjà. Et connaissant Kubrick, ne le connaissant pas personnellement, mais connaissant son sens du détail, c'est loin d'être impossible que ça soit volontaire. Et évidemment, il y a de très nombreux fils à tirer entre ces œuvres-là, à commencer par le fait, pour rebondir sur ce que vous disiez à nul mot, que disons la fabrication des fortunes et le début de l'âge de la culpabilité, en quelque sorte, le couple Harford est déjà, depuis un certain temps, pleinement dans cet âge de la culpabilité. Donc, où se trouve l'âge de l'innocence, ça c'est un autre débat. Il se trouve peut-être, d'ailleurs, dans le personnage de la fille des Harford. C'est-à-dire dans une espèce de candeur et de naïveté qui n'a pas encore été, en quelque sorte, corrompue par ce qui va advenir ensuite. On va y venir plus en détail, mais maintenant je voudrais qu'on aille vers un philosophe qui semble, dont l'ombre est clairement là, hein, dans toutes ces affaires, c'est Emerson. Alors Emerson, c'est plein 19e, Ralph Waldo Emerson. Pouvez-vous nous dire quelle sorte de romantisme Emerson a créé, a pensé, qu'il pensait précisément adapté à l'élan américain, Mathieu Duplay? Alors, je dirais que le romantisme chez Emerson est d'abord quelque chose qui se situe, je dirais, dans un certain travail de l'écriture philosophique. C'est-à-dire dans la recherche d'une façon de s'exprimer, d'une façon de parler. C'est une question, la question du romantisme, en fait, c'est chez lui, c'est un peu la réédition d'une des questions fondatrices du romantisme allemand. C'est-à-dire la question de ce qu'il y reste à dire une fois qu'on a dit ce qui peut être dit dans le reste, dans le cadre, disons, du projet critique ou criticiste kantien. Hein, c'est-à-dire, on a dit. D'Emmanuel Kant. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, le mot transcendantalisme qu'utilise Emerson vient de l'idée du transcendantal de Kant. Tout à fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit et qu'on a établi, par exemple, des bases rationnelles de la connaissance et du jugement éthique, qu'est-ce qu'il reste à dire? Il reste encore plein de choses à dire. Et il reste plein de choses à dire qui concernent notamment toute l'existence du sujet, du ce qu'il appelle le self hein, en anglais, et quel est le discours, quel est le genre de discours qui est le plus adapté pour dire ça. Et il faut une nouvelle forme de discours, une nouvelle forme d'écriture. Et toute l'œuvre d'Emerson, c'est une suite d'essais. Hein, il emploie le terme d'essai, essay, dans les deux sens, bien sûr, du mot français essai, une série de tentatives, de d'écriture qui donnerait voix à un sujet en quête de lui-même et en quête d'une compréhension de lui-même et de sa place dans le monde. Et d'une liberté, vous employez le mot tout à l'heure, vous avez employé le mot. Bien sûr. Est-ce qu'on peut même dire que la déclaration d'indépendance américaine, Emerson veut la mettre dans les têtes aussi? Alors, on a souvent dit que l'un des grands essais d'Emerson, qui s'appelle Self-Reliance, c'était la déclaration d'indépendance philosophique hein, de l'Amérique. Bien sûr, c'est un philosophe de l'émancipation, c'est quelqu'un qui cherche à libérer d'abord la voie philosophique de l'Amérique, faire que cette voie puisse s'élever et être entendue de l'Amérique elle-même aussi, bien sûr, qui du coup se rend compte aussi de l'énormité de la tâche, parce que l'innocence chez Emerson est une innocence qui est à construire. Elle n'est jamais donnée d'avance. Alors on va approfondir ce problème. Oui. Je souligne pour les auditeurs qui viendraient nous rejoindre que ce matin nous parlons de l'âge de l'innocence. Ça peut être un peu étonnant dans une série sur l'âge, mais j'avais pas envie qu'on s'arrête uniquement à des scansions évidentes. On a parlé de l'enfance, de la vieillesse, mais on a aussi parlé de la figure de la jeune fille dans les contes. On a essayé de réfléchir à certaines représentations de certains âges de la vie. Et aujourd'hui, nous nous demandons s'il n'existe pas dans notre vie, dans notre intériorité, quelque chose comme un âge de l'innocence qui à un moment disparaît. Et c'est un grand thème américain qu'on retrouve chez Edith Wharton, auteur qui a écrit L'âge de l'innocence comme roman, chez Emerson avant elle, et sans doute dans Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Nous allons y venir. Je voudrais à nul mot qu'on précise peut-être quelque chose de cet élan emersonien dans le roman de Wharton, L'âge de l'innocence. Emerson écrit dans La Nature, cet essai de 1836, « Notre époque regarde vers le passé ». Et il ajoute un peu plus loin, « Et pourtant, il existe de nouvelles terres, il existe de nouveaux hommes, de nouvelles pensées. Exigeons nos propres œuvres, des lois et un culte qui soient les nôtres. » C'est vraiment un programme pour l'homme et la femme américain et américaine. Mais c'est ça qui ne marche pas bien chez Wharton. C'est-à-dire que cette vieille Europe, à travers cette comtesse, se rappelle à cette bourgeoisie new-yorkaise. On n'y arrive pas à faire du nouveau. Cette innocence des lendemains qui chantent, ça ne va pas du tout. C'est pas tout à fait juste, parce qu'il y a une suite des générations. Et la deuxième... Enfin, non, je dirais... Quelques pages à la fin du roman nous expliquent que tous ces gens-là ont eu des enfants et que ces enfants se moquent bien d'ailleurs de leurs propres parents et de cette espèce de romantisme, ce sentimentalisme, de cette passion non dite. Vous ne vous parliez pas dans le couple, etc. Vous essayez simplement de deviner ce qui se passait dans la tête de l'autre. Et les enfants de Newland Archer et May Welland vont peut-être construire une forme de nouvelle terre, c'est-à-dire il voyage. Peut-être l'ambivalence de Wharton, comme souvent dans les romans critiquant l'Amérique, l'Amérique pourrait peut-être quand même gagner à la fin. Vous êtes d'accord avec ça, Mathieu Duplay ? Oui, je disais tout à l'heure que le roman pose la question des limites du projet émancipateur, mais c'est une question. Mm-hmm. C'est-à-dire que la réponse n'est pas donnée d'avance, c'est une vraie question. Et je pense qu'effectivement, Anne a raison de le dire, hein, elle est relancée à la fin par le passage de témoins d'une génération à l'autre. Et c'est un roman de 1920, donc qui est écrit au seuil d'une époque qui a relancé la question de l'émancipation d'une autre manière. Et notamment la question de l'émancipation féminine. En tout cas, le romantisme d'Emerson hante l'œuvre, mais ce n'est pas si facile de dire si Wharton le quitte ou le reconduit autrement. Il est important de voir que Archer finit par renoncer à Olenska. Ce renoncement, c'est peut-être une forme d'élan, malgré tout, pour ne pas se laisser embourber. Il y a peut-être quelque chose de très américain dans la valorisation du renoncement, ou alors vous pensez que le renoncement n'est pas valorisé dans ce roman ? Alors ça, pour ce qui concerne le roman de Wharton, je pense qu'Anne Ulmo est plus, plus au fait de cette question que moi. Je pense que la question du renoncement, en fait, est une question complexe. Et moi, quand je dis ça, je pense peut-être à Emerson, parce qu'Emerson est quelqu'un qui déteste le renoncement. Oui. Mais qui en même temps, parce qu'il déteste le renoncement, parce qu'il pense que le projet d'émancipation est un projet qui n'est jamais terminé, il emploie l'image des cercles concentriques, nous sommes en prisonniers constamment d'un cercle qui limite notre action et notre liberté, et l'enjeu c'est de franchir ce cercle pour dépasser et aller jusqu'au cercle suivant, et donc faire un pas de côté ou faire un pas vers le dehors qui élargit notre orbite un peu, oui, comme si nous étions une planète, hein, qui tourne autour du soleil, sauf que bien sûr nous retombons de nouveau, oui, dans une ornière, pour lui l'émancipation est un projet, c'est un projet, c'est un idéal régulateur, c'est-à-dire c'est un idéal vers lequel on ne cesse pas de tendre, mais qu'on ne peut pas atteindre, un peu comme l'horizon. Il emploie aussi la métaphore de l'horizon, qui vers lequel bien sûr on peut essayer d'aller, mais qui recule à mesure qu'on s'en rapproche, évidemment. Alors Anne Ulmo, à vous, est-ce que le renoncement, comment le lisez-vous dans le roman d'Edith Wharton, The Age of Innocence? Je le lis comme terriblement romantique. Ah, Vraiment. Mais alors, attendez, je vais poursuivre ma question. Parce que William James, le frère de Henry, qui était très marqué, comme toute cette génération, par Emerson, lui allait très loin. Il disait qu'il fallait rompre avec tout ce que pouvait avoir de, tout ce qu'il pouvait y avoir de mélancolique, de morbide, disait-il, dans un certain romantisme européen. Il faut un romantisme de la santé, de l'optimisme et de la vitalité. Il écrit notamment cela dans La volonté de croire en 1897. Mais Wharton ferait peut-être droit, elle, à ce vieux romantisme européen, pas si sûr de lui, pas si optimiste, comme dirait William James. Je pense que The Age of Innocence est teinté de sa propre expérience amoureuse, de sa passion amoureuse avec le journaliste américain qu'elle avait rencontré à Paris, Martin Fowlerton. Et c'est forte de cette passion qu'elle, d'ailleurs, a la puissance de la représentation de la passion dans le roman. Enfin, je veux dire, c'est quand même un roman qui est très puissant sur ce plan-là. Oui. Et on n'a pas un exemple équivalent dans les autres romans new-yorkais, justement. Et là, il se passe quelque chose. Donc, ce renoncement qui est très, très bien figuré par Scorsese aussi à la fin, la dernière scène, Newland Archer revient à Paris, va rester simplement assis sur le banc, va regarder les fenêtres de Madame Olenska qui s'est installée aux Tuileries. Et je me souviens très, très bien de cette scène parce qu'elle est terriblement romantique et elle est dans une sorte d'acceptation. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu une sorte d'irruption dans le trop lisse du quotidien, dans les conventions, une brèche qui s'est ouverte et qui ne s'est jamais complètement refermée. C'est peut-être le seul espace d'espoir, voilà, d'une sorte d'ouverture de l'être. Alors maintenant, on va passer à Eyes Wide Shut de Kubrick. On arrive dans les années 1990. Kubrick va faire ce film. Vous allez nous expliquer dans quelles conditions, Axel Cadieux. Il s'agit de l'histoire d'un couple, Alice et William. Ils sont new-yorkais. Lui est médecin, elle est commissaire d'exposition. Ils sont magnifiques. C'est un couple dans la vie puisque c'est Nicole Kidman et Tom Cruise. Je crois que ça n'allait pas si bien que ça entre eux, mais c'est pas notre problème. Ce qui nous intéresse, c'est la crise dans le film et bien ils sont invités à une soirée organisée par un ancien patient de William. Ils rencontrent là un drôle de sbire, Nick Nightingale, incarné par Sidney Pollack, qui les tente, leur propose à l'un une partie à trois, et puis de son côté Alice a aussi une tentation pendant cette soirée, et tout ça va produire un déchargement de fantasmes chez l'un et l'autre. Et même Alice, dans une scène magnifique, va longue, très longue, qu'on a coupée, va révéler un ancien fantasme qu'elle a eu. Elle le révèle à son mari, devant lui. Elle est à genoux. Elle est. Écoutez, c'est Nicole Kidman. Do you remember last summer at Cape Cod? Tu te souviens des vacances d'été qu'on a passées à Cape Cod? Yes. Do you remember one night in the dining room? Alors, tu te souviens peut-être d'un soir, nous étions dans la salle à manger et il y avait un jeune officier de marine. Il était à côté de notre table avec deux autres officiers. Non. Waiter brought a message. On est venu lui apporter un message. Il est parti juste après. Tout ça n'évoque rien pour toi? Non. Eh bien, je l'avais déjà vu une fois le matin à la réception. Il venait de remplir sa fiche au comptoir de l'hôtel. Il suivait le chasseur qui portait sa valise jusqu'à l'ascenseur. D'un regard, il m'a détaillé en passant un simple regard. Rien de plus. Mais je pouvais à peine bouger. That afternoon, cet après-midi-là, Elena est allée au cinéma avec une copine et toi et moi, you and I made love. Nous avons fait l'amour. nous avons fait plein de projets pour l'avenir. Et nous avons parlé d'Elena. N'empêche que pendant tout ce temps, c'est lui, lui seul, qui a hanté mes pensées. Et je pensais que si jamais il voulait de moi, même si ce n'était que pour une nuit, I was ready to give up everything. J'étais prête à laisser tomber ce qui était ma vie. Toi, Elena. Mon avenir à la cour. My whole fucking future. Toute ma vie. Everything. Alors je tiens à dire que pendant cet extrait, nos invités ont noté que le fantasme n'est pas extraordinairement transgressif. Mais ce qu'il est quand même, c'est à quel point elle est empreinte de cet homme qu'elle n'a pas connu. Et elle dit à son mari que... Il y a eu un moment où rien ne comptait plus que cela. Innocence de l'aveu ou au contraire, aveu un peu une drôle de saveur qui va briser l'innocence du mariage. Axel Cadieux. À mon sens, le mariage est déjà brisé en quelque sorte. Enfin, le verre est déjà dans la pomme pour moi dès le début du film. Ah, vous pensez ? Parce qu'à la fin, ils restent ensemble, hein, je vous signale. À la fin, ils restent ensemble, mais c'est toujours la question des apparences et des faux-semblants. On y revient aussi par rapport à Emerson. Enfin, vraiment, je vois pas mal de liens avec tout ça. Non, pour moi, le verre est déjà dans la pomme et on le voit dès le tout premier plan du film où Nicole Kidman est filmée de dos et elle enlève sa robe pour se changer. Oui. Elle est de fait nue. Et la manière dont elle enlève sa robe fait écho à plus tard la manière dont les femmes dans le cercle orgiaque et sectaire où vont... il va être emmené, parce qu'il faut te rappeler que grâce à sa nouvelle connaissance new-yorkaise, il va William être emmené dans un tas de lieux orgiaques où des femmes masquées ont cette façon-là de se déshabiller. Voilà, merci pour le contexte effectivement. Et donc de fait, Nicole Kidman, il est dit de manière très sous-jacente qu'elle, en tout cas son personnage, fait pas forcément partie de ce cercle, mais en tout cas est déjà comme un personnage porteur de corruption. Quelque part. Est-ce qu'on va le découvrir peu à peu, un peu comme on a découvert tout à l'heure que May, dans le roman de Wharton, n'est pas une oie blanche ? Non, parce que le film est construit de telle manière, comme la nouvelle d'ailleurs, hein, initiale, de telle manière que il y a deux voyages, un physique de Bill Harford et l'autre complètement mental sa femme Alice Harford. Donc si vous voulez, on va découvrir son voyage interne à elle et on va voir ce qu'on vient d'écouter à l'image, mais c'est plutôt des projections, c'est absolument pas concret. Donc elle va coucher, disons, en termes de fantasme avec ce capitaine de bateau. Mais le personnage reste concrètement, physiquement innocent, si vous voulez, entre guillemets. Ce qui brise l'innocence, et peut-être innocemment, c'était ça ma question, parce qu'elle a quelque chose d'innocent là dans cette scène, c'est incroyable. Je veux dire, elle lui dit tout ce qu'il y a dans sa tête. On n'est quand même pas obligé de dire tout ce qu'on a dans la tête à tout le monde et même ou à son mari. Donc c'est bizarre ce qu'elle fait. Il y a quelque chose d'innocent. Mais pour briser cette innocence, par l'innocence, il faut que tout soit déjà brisé, d'après vous? En tout cas, pour revenir à cette scène, c'est assez amusant. Je pense qu'elle embêtait un peu Kubrick à la fois. Elle est hyper importante dans le film, mais en même temps, je pense qu'elle l'embêtait un peu parce que cette espèce de candeur avec laquelle elle raconte son fantasme, justement, elle est déjà présente dans le livre, mais dans le livre, elle est complètement gratuite. Or, ici, il fait fumer un joint au personnage de Nicole Kidman. Donc, il y a quand même l'idée qu'elle est aidée pour raconter tout ça. Et c'est quelque chose avec lequel il s'est pas mal, d'ailleurs, disputé avec son premier scénariste qui ne voulait pas qu'elle fume et qu'elle soit au contraire très, très, très, très candide et qu'elle est naïve et qu'elle raconte ça de but en blanc. Bon, à propos de juin, de l'atmosphère new-yorkaise, j'ai plusieurs questions de contexte parce que, bon, c'est une adaptation d'une nouvelle de Schnitzler qui, à l'époque, se passait à Vienne. Donc, pourquoi Kubrick veut-il New York ? et un drôle de New York, puisqu'il tourne en Angleterre et il reconstruit un New York qui ressemble plutôt au New York des années 60 que des années 1990. Qu'est-ce que ça veut dire, tous ces déplacements pour Kubrick? Pour moi, là, on touche vraiment au cœur du sujet de l'innocence. C'est-à-dire que Kubrick, on est à la fin des années 90, il porte ce projet depuis les années 60, il en a acquis les droits depuis les années 60, donc il sait que c'est son dernier film, parce qu'il met globalement 10 ans à faire un film. Donc il se jette à corps perdu dans ce projet-là, et il décide effectivement de reconstruire une très grande partie de Greenwich Village, donc quartier du sud de Manhattan, dans les studios de Pinewood, qui se trouvent à Londres. Et il les reconstruit de manière extrêmement fidèle, c'est-à-dire qu'il va demander à ce que des équipes aillent aux États-Unis, à New York, prennent des photos, prennent des mesures et tout ça, pour que ça soit exactement le Greenwich Village des années 90. Oui. Sauf que moi, au cours de mon enquête, j'ai réalisé que pas mal de gens, et notamment des actrices, nous disaient, mais en fait, c'est très bizarre, parce que il a cette espèce de maniaquerie sur des détails des années 90. Oui. Or, par exemple, ces cabines téléphoniques-là, ou alors la manière dont s'habille une serveuse, ça relève absolument pas des années 90, mais ça relève des années 60. Donc alors, c'est comme s'il y avait un twist. Quelle est votre lecture de tous ces déplacements? Moi, ma lecture, c'est que c'est comme s'il y avait un twist dans ce Greenwich Village qu'on croit des années 90, mais qui d'un coup a quelque chose d'autre. On voyage dans le temps. Moi, ma lecture, c'est que à travers Eyes Wide Shut, Stanley Kubrick construit une espèce de capsule temporelle, si vous voulez, où il retourne dans ce New York qu'il a vu grandir, parce que c'est un enfant new-yorkais, des années 40, mais aussi 50, 60, qui est celui de son enfance et qui est aussi celui de ses premières amours. Mais c'est l'Amérique, c'est important que ce soit l'Amérique pour lui, pour mettre en scène la manière dont va se fracasser l'âge de l'innocence de ces deux personnages. Absolument, parce que la nouvelle originelle, elle se situe à Vienne. Donc il a fait le choix conscient. Et à Vienne, on est moins innocent, moins naïf, c'est ça. Donc ça marche mieux sur le plan de l'intrigue et du cinéma si ça se passe à New York. Je pense que ça marche mieux pour Kubrick. Par ailleurs, quelque chose de très géométrique. Ouais. Aux États-Unis, ce sont des blocs et la déambulation de Billard Ford, elle est très comme ça. Elle est faite d'angles droits et de recoins et c'est hyper important dans le film parce que on le suit en très grande partie. Qu'est-ce qu'en pensent nos spécialistes de littérature américaine, notamment d'Edith Wharton, mais aussi de la philosophie de Emerson? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Anne Ulmaux, de ces personnages incarnés par Nicole Kidman et Tom Cruise? Est-ce que il y a quelque chose de Whartonien dans Eyes Wide Shut? Peut-être. C'est bien, vous êtes honnête, j'aime bien. Peut-être vous pensez en direct. Oui, tout à fait. Nico, dans cette façon dont... Moi, ce que je trouve troublant, intéressant, c'est que pour fracasser l'innocence, il faut une figure de troublante innocence. Et je trouve que notamment Nicole Kidman, par son visage, par la simplicité avec laquelle elle enlève cette robe, alors que c'est la manière dont des femmes dans des orgies enlèvent leur robe. C'est-à-dire que tout est fait, c'est un ange. Et elle dit ça innocemment, elle lui raconte qu'elle a eu envie d'un autre et qu'elle n'a pensé qu'à un autre, y compris pendant des rapports amoureux avec son mari. Et j'ai l'impression que le fait qu'on brise l'innocence seulement par une forme d'innocence, c'est ça chez Wharton. Il y a de l'innocence chez Olenska qui va briser le couple de May et de Archer. Et peut-être que dans le renoncement final, vous me l'avez dit vous-même tout à l'heure, il y a encore de l'innocence. L'Amérique va renaître de tout cela. Ça va marcher, mais alors à quel prix? Oui. C'est tout un. Je dirais que c'est un processus initiatique. Hein. C'est la forme que ça prend aussi chez Kubrick, l'initiation sous la forme de cérémonie sectaire, un petit peu, si je me souviens bien, de cette esthétique baroque. Et on traverse, voilà. Il y a une traversée du Green World, enfin on est presque chez Shakespeare finalement. Il y a une traversée comme ça qui vous fait acquérir une expérience. Et on y laisse des plumes. Et on y laisse des plumes, mais c'est ça, oui. Alors on y laisse des plumes. La fin, effectivement, elle est assez connue. Il y a une scène, on va pas la passer maintenant. Je préfère vous entendre. Là, on n'a plus beaucoup de temps, Mathieu Duplay. Est-ce que cette fin où il se rabiboche, c'est toujours Nicole Kidman, c'est-à-dire Alice qui parle, hein, qui lui dit ça va bien. Oui, on a vécu des choses, mais ça va marcher. On va survivre. Hein, c'est vraiment clairement ça qu'elle lui dit. Ça aussi, ça vous paraît l'Amérique bosselée, mais l'Amérique. c'est-à-dire l'avenir. Oui, disons que bon, j'avoue tout de suite que je ne connais pas du tout le film de Kubrick. Malheureusement, hein, je sais que c'est un grand film, mais ça n'est pas mon, du tout quelque chose que je connais particulièrement bien. Mais disons que je dirais que il y a, en tout cas du point de vue de ce que je connais bien, c'est-à-dire Emerson, effectivement, il y a toujours l'idée hein, que à la fin tout le monde se crache quelque part. La catastrophe est inévitable et personne n'arrivera jamais à l'émancipation parfaite, personne n'arrivera jamais à dire tout ce qu'il y a à dire, et même Shakespeare, et pourtant Dieu sait si Emerson idolâtre Shakespeare, est un poète qui a ses défauts. Même Shakespeare, quelquefois, n'est pas à la hauteur de Shakespeare. Et si on peut dire ça de Shakespeare, on peut dire ça de tout le monde. Mais c'est pas grave, parce que l'important, c'est, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir au moins à un moment fait le geste d'aller au-delà. Voilà, beaucoup ont employé, y compris moi-même, dans cette émission, l'expression « le verre est dans le fruit, voire dans la pomme ». Mais au fond, la pomme est là, le fruit reste. C'est ça que vous dites. Oui, ce que je dis, c'est que, enfin, ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est qu'il s'agit de quelque chose qui est à construire en fait. Ce qui est important, c'est ce qui est à construire, et cette construction se fait dans un rapport tendu avec tout ce qui existe déjà et tout ce qui vient du passé, et dans une lutte et dans une confrontation avec ça. Mais ça n'est jamais gagné d'avance, mais ça n'est jamais perdu d'avance non plus. Au bout du téléphone, il y a votre voix. Et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire. Qui sont dans trop de films, de chansons et de livres. Je voudrais vous les dire. Et je voudrais les vivre. Je ne le ferai pas. Je veux. Je ne peux pas. Je suis seule à crever et je sais où vous êtes. J'arrive, attendez-moi, nous allons nous connaître. Préparez votre temps, pour vous j'ai tout le mien. Je voudrais arriver, je reste, je me déteste. Je n'arriverai pas, je veux, je ne peux pas. Je devrais vous parler. Je devrais arriver où je devrais dormir. J'ai peur que tu sois sourd, j'ai peur que tu sois lâche. J'ai peur d'être indiscrète. Je ne peux pas vous dire que je t'aime, peut-être. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent. Et cours, cours jusqu'à perdre haleine. Viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent, viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi. François Hardy, message personnel, une chanson de 1973 pour, à la fin de cette discussion sur l'âge de l'innocence, en quelque sorte mettre en scène innocence et tentation, innocence de la tentation. Je vous remercie beaucoup, Anne Ulmeau, Axel Cadieux et Mathieu Duplay. Vous avez joué le jeu de naviguer entre plusieurs œuvres, tout en partant d'Edith Wharton et de son livre « The Age of Innocence » et pour essayer de creuser cette hypothèse que l'âge de l'innocence serait un moment de nos vies. Je vous propose à présent d'écouter Frédéric Worms et sa chronique. Voici le pourquoi du comment. Pourquoi tenons-nous à nos habitudes ? Le fait de prendre une habitude n'est jamais neutre dans notre vie. Il y a des mystères dans ce geste ordinaire, très simple, auquel d'ailleurs nous ne pouvons pas échapper. C'est comme si notre corps, malgré lui, créait des règles, créait des catégories qui peuvent receler des pièges et dont le pouvoir politique va se servir. Car oui, on nous fait prendre aussi des habitudes et il faudra y revenir. Mais il y a un second aspect très mystérieux, c'est que nous sommes attachés à nos habitudes. Nous y tenons. Une routine, c'est aussi quelque chose qui nous définit. Et nous en venons à nous définir par ces habitudes pour le meilleur et pour le pire, même quand elles nous font souffrir, même dans une ambivalence très profonde. Freud disait que ce n'est pas la religion qui définit les rites, mais les rites qui définissent la religion. Il y a quelque chose de sacré pour nous, l'habitude du café du matin, l'habitude de lire le journal, l'habitude de faire ceci ou cela, et nous savons qu'il faut respecter prudemment les habitudes des uns et des autres dans un habité commun du monde. Mais alors cet attachement aux habitudes, il est parfois exprimé avec une souffrance extrême quand il vient masquer les violences de la vie, ainsi dans cette chanson très célèbre, un peu caricaturale, mais dont le succès doit bien nous dire quelque chose. Et oui, voilà, Claude François a repris partout dans le monde des variations immenses sur cette chanson de l'habitude, My Way en anglais. Voilà que le malheur de l'habitude, une habitude souffrante, une habitude de la distance à soi, une habitude de la séparation dans la proximité, voilà l'amour qui devient une souffrance habituelle, voilà les malheurs de l'habitude, l'enchaînement à l'habitude avec un attachement paradoxal à ces chaînes même. L'habitude peut nous relier et aussi nous contraindre. Et cette chanson a ce succès probablement parce qu'il y a quelque chose là de paradoxal. Nous ne savons plus si cette chanson décrit un amour ou une haine, si cette chanson décrit un plaisir, un attachement ou une souffrance. Il y a dans cette voix qui s'exprime un attachement à ses habitudes, à ce rituel et pourtant aussi une souffrance extrême car on attend quelque chose aussi du nouveau, quelque chose qui vienne rompre l'habitude quand elle devient négative, quand l'habitude devient douloureuse, souffrante ou méchante ou vicieuse, il faut savoir la critiquer, il faut savoir rompre avec elle, on attend la nouveauté de l'autre, on vit aussi de ce qui vient perturber nos habitudes, les habitudes sont toujours des pièges, il faut leur faire violence, comme aussi dans Les vieux amants de Jacques Brel, oui, l'habitude c'est aussi quelque chose qu'il faut secouer, quelque chose qui nous lie avec le temps, l'attachement a besoin d'être constamment prémuni contre les risques de l'habitude pour ne garder de l'habitude que sa merveille, à savoir l'automatisme de la relation. Merci Frédéric Worms, merci à nos trois invités d'aujourd'hui. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Sébastien Royer. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin et merci vraiment Anna. On a beaucoup réfléchi à tout cela avant de passer à l'action. Et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Louise Labarthe, Carla Michel, Chaïma Giboire et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.